Propositions indécentes. Faustine reçoit une carte postale d'Istanbul. Qui a bien pu la lui envoyer? Ah oui! Elle se souvient du jeune homme, ce routier sympa qui partait là-bas il y a quelques semaines. Il s'en revient maintenant. Faustine travaille beaucoup en ce moment. René est rentré, il a enfin pu terminer son travail à la satisfaction de son mandataire. Mais il attend toujours son salaire, indemnité de retard déduite. Et son compte en banque est au rouge vif. Ainsi, c'est la jeune femme qui fait bouillir la marmite. Hélas, elle ne fait pas bouillir grand-chose parce que son amie, amère et frustrée, mange rarement avec elle. Il passe la majeure partie de son temps au bistrot d'en face à noyer ses contrariétés en déblatérant sur ses malheurs à qui veut bien les entendre. À Faustine, il raconte en boucle l'histoire de son vieux pote qui n'a pas tous ses problèmes parce qu'il a la chance d'avoir 3 gonzesses qui travaillent pour lui. Au début, Faustine ne voit absolument pas de quoi il veut parler. Il ne lui dit pas non plus quel métier elles font. Et elle ne demande pas d'explication. Se sentant impuissante à arranger les choses, elle est bien contente d'avoir l'occasion de se distraire au travail. Elle retrouve ses collègues avec plaisir. En parlant de distraction, il y a ce couple dans le box du coin qui réclame Faustine pendant la soirée. Ce sont des quadragénaires, manifestement allemands, probablement bavarois d'après leur accent. Ils sont très beaux tous les deux, élégants, rassés, sûrement fortunés. Ils offrent un verre à la jeune femme et l'entreprennent gentiment. Ils la trouvent très jolie, vive, intéressante. Ils se demandent si, éventuellement, à l'occasion, elle n'accepterait pas de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Jouer avec eux. Quand elle comprend enfin où ils veulent en venir, Faustine éclate de rire. Moi? Non, pas vraiment. Ce n'est pas mon truc, ces jeux-là. Dommage, lui disent ses interlocuteurs avec un zeste de désappointement. Et vous ne connaissez personne qui... Bof, répond Faustine. Non, je ne crois pas. Mais attendez, c'est vrai que mon ami m'a confié un jour que la serveuse du Schwan, elle s'appelle Martine, faisait tout. Allez lui demander, vous verrez bien. Peut-être qu'elle sera contente de vous rendre service. Entendu, disent-ils, laissant un bon pourboire en partant. Ce même soir, Faustine rentre un peu plus tard et constate que René n'est toujours pas à la maison. Cette fois, son nez trop. Elle descend le chercher au Schwan avant qu'il prenne racine. Dès qu'elle a franchi le seuil, elle sent que quelque chose n'est pas normal. Oula, l'ambiance est lourde. Que se passe-t-il? Elle repère le René qui sirote à sa table habituelle. Mais elle n'a pas le temps de s'approcher de lui, qu'elle reçoit une bordée d'insultes depuis le fond de la salle. C'est la pauvre Martine, effondrée sur une banquette, entourée de toutes les autres serveuses et de la patronne, en train de pleurer à chaudes larmes sa réputation détruite. « Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Tu es dégueulasse » hoquette-t-elle en français. « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a encore ?» demande Faustine. « Tu sais très bien. Tu m'as envoyé des salopards, des pervers, dégueulasse, tu es une saloperie. » Et merde, pense Faustine. En plus, ils lui ont dit que c'est moi qui les avais envoyés. Quel crétin. Et moi qui voulais juste leur rendre service. Autant à Martine qu'à eux, d'ailleurs. Pauvre Faustine, qui réalise seulement sa bourde et qui ne sait plus où se mettre, du coup. Alors, elle demande humblement pardon à Martine, qui la renvoie aussi sec dans les cordes en refusant ses excuses. « Pardonnable !» Elle va s'asseoir près du René, tentant de le convaincre de rentrer avec elle. Échec aussi de ce côté-là, René est presque aussi effondré que Martine, qu'il connaît depuis toujours et qu'il a trahi à travers Faustine. Il continue donc à cumuler les verres de blanc, de plus en plus mauvais. « Oh, ça va, se révolte Faustine, vous n'allez quand même pas gonfler le truc. Je voulais juste rendre service, ce n'est pas si grave. Ils sont repartis, les méchants vicieux, non? J'ai demandé pardon, non? Allez, on oublie tout et on va se coucher. Allez, viens, René, on rentre. » Aïe! Faustine n'a rien vu venir. Sa mâchoire a explosé, lèvres éclatées. Le sang gicle, fort. Mortifiée, humiliée, la jeune femme se lève, remonte chez elle en courant et s'effondre sur son lit. Longtemps après, choquée, à bout de larmes, elle s'endort comme une masse. Au matin, levée à bon René qu'elle n'a pas entendu rentrer, Faustine essaye d'effacer les traces devant la glace avec des couches de fond de teint. Mais il n'y a rien à faire. Elle reprend le travail, le visage tuméfié, sous un plâtrage pathétique. Heureusement, ce matin, tout le monde est aveugle, sauf une habituée qui lui dit « mes figues, mes raisins ». « Je sais qui t'a fait ça, et pourquoi ?»« Je serai toi et je partirai vite, parce que le René, c'est pas un tendre. Tu le connais pas depuis très longtemps, mais ici, tout le monde le sait. » Faustine écoute, mais elle n'entend pas. Quand elle rentre, son homme n'est toujours pas là. Alors, sans attendre, elle récupère sa mobilette et part de l'autre côté de la frontière, à Saint-Louis, retrouver ses amis français. Elle ne leur raconte pas sa mésaventure. Ils ont compris dès qu'ils l'ont vue, mais ses quelques heures d'amitié lui font du bien. Hélas, quand elle se pointe à la maison à 4 heures du matin, René l'attend de pied ferme et la secoue brutalement en apprenant d'où elle vient. « Je m'en doutais » hurle-t-il. « Un jour, il va t'arriver des bricoles avec cette bande de drogués. Je t'interdis d'y retourner. » Échappant à son emprise, la jeune femme, terrorisée, à moitié déshabillée, craignant un nouveau coup de poing, sort sur la terrasse et tente de s'enfuir en enjambant la rambarde. Vu la hauteur, elle hésite à sauter dans le noir. Elle reste en suspension, craignant pour sa vie, jusqu'à ce que René la récupère, la calme et la met au lit. « Tu es vraiment trop bête. Il va falloir que je te surveille mieux que ça. » À partir de là, il faut avouer que l'ambiance n'est plus tout à fait la même. Rien n'a changé officiellement, sauf que Faustine travaille le plus longtemps possible, se sentant plus en sécurité au restaurant. Espérant calmer le jeu en rapportant une paye plus conséquente, elle accepte désormais tous les verres qu'on lui offre, mais elle titube et laisse tomber la vaisselle. Alors la patronne refuse de la servir. La jeune femme déprime, elle n'est plus du tout amoureuse. Elle déteste se retrouver dans cette peau de femme battue, contrainte d'accepter une situation fallacieuse, faute d'échappatoire. Elle a trop honte pour en parler à sa famille paternelle, qu'elle retourne cependant voir régulièrement. Elle ne se confie à personne, n'ayant aucune véritable amie. De temps à autre, René lui répète qu'il envie son ami qui a des femmes qui travaillent pour lui. « Que veut-il à la fin, s'irrite Faustine, que je fasse le trottoir pour lui ? Même pas en rêve. Je dois me sortir de ce cauchemar merdique. Et vite !» Elle se renseigne discrètement auprès de tous ceux qui l'entourent pour savoir s'il n'aurait pas entendu parler d'une chambre à louer. En attendant un miracle, elle marche à l'ombre et se tient à carreau. Heureusement, René, qui a définitivement repris toutes ses habitudes soulographiques, n'est plus vraiment capable, quand enfin il rentre, de virulence, encore moins de performance sexuelle. Il s'écrase sur son lit, semi-comateux. Faustine gagne du temps. Enfin, une issue se profile. Une collègue informe la jeune femme qu'un appartement mansardé se libère dans l'immeuble d'en face de chez elle. Faustine téléphone aussitôt et rencontre le locataire sortant le soir même. Il quitte son logis la semaine suivante. Très, trop intéressé par la jeune fille, il ne cesse de lancer des allusions grivoises pendant toute la durée de la visite. « Flûte, se dit Faustine, si j'avais su, je serais venue accompagner. » L'homme demande une reprise importante pour ses meubles. C'est cher, mais Faustine accepte. Il les lui laisserait volontiers pour rien, si la jeune femme voulait bien... passer à la casserole ? Mais non, Faustine va chercher l'argent, paye le monsieur Ruby sur l'ongle et prend congé Fissa pour aller signer le bail chez le propriétaire qui loge au rez-de-chaussée. Une fois de plus, elle s'en est sortie avec les honneurs. Quelle plaie ces harcèlements! Elle a de plus en plus souvent l'impression d'être un pot de miel. Vivement qu'elle soit vieille, grosse et moche et qu'on lui foute la paix. Malgré tout, elle est soulagée. Dans 3 jours, elle sera dans ses meubles. Il n'y a plus qu'à tenir jusque-là. Coup de bol phénoménal, René se voit confier un nouveau chantier en Suisse romande. Il s'en va pile au bon moment. Il n'exige pas que Faustine vienne le rejoindre. Voilà qui arrange bien ses affaires. Dès qu'il a le dos tourné, elle descend sa valise, emballe ses affaires, vide les placards, libère les étagères. Il n'y a plus qu'à tout monter dans son nouveau chez elle, ce qu'elle fait le jour J, le cœur léger. L'ancien propriétaire est parti à 6 heures, elle peut emménager à 8. Elle sifflote dans l'escalier en montant ses bagages, ouvre la porte sur... rien. Ah, l'escroc! Il a repris la quasi-totalité de ses meubles, pourtant payés à prix d'or. Parti sans laisser d'adresse, il a abandonné 5 paquets de pâtes sur une étagère inamovible, 3 matelas crasseux dans un coin de la chambre à coucher et 2 carreaux cassés. Qu'importe. Faustine sourit dans son reflet. Elle se débrouillera. Elle est désormais chez elle, libre.